quand toi tu me vois là, tu ne fais que chipper. Non, chalant, je suis chipper, ma musique, il a kippé. Starfella, plus je fais du son, plus je m'éloigne du gin. Je fais des tubes afro et des vœux du dernier qui j'aime. T'as posté ton boule pour avoir un max de j'aime. Tout le monde a critiqué, mais tout le monde a liké comme j'aime. La gestion est rouge et la semaine, charisme est incroyable. Reste pas arrive à vie, mais le succès sera royal. Vrai négro, oui, je suis maman, m'a dit d'être loyal. Celui qui manquera de respect, la santé sera incroyable. Rouler, rouler dans la robe, la gola, elle a gagné. Attitude de reine avec le corps d'ago à gagner. La semelle est rouge, authentique, personne ne va nier. La vérité, on aimerait tous savoir danser le vaillant. C'est toujours comme ça, et tu le sais. C'est toujours comme ça, comme ça, comme ça. C'est toujours comme ça, et tu le sais. C'est toujours comme ça, comme ça. C'est toujours comme ça, et tu le sais. C'est toujours comme ça, comme ça, comme ça. C'est toujours comme ça, et tu le sais. C'est toujours comme ça. Les mecs avec choqué savent qu'il y aura tout ce qu'il faut. Ça recherche le naturel mais ça veut voir les bimbos. Si ma vie dérange, faut pas hésiter pour man follow. On les voit d'ici, celles qui crachent dans le dos de leur photo bingo. Ils sont à la recherche d'un gars solide. J'ai les reins solides. Ils sont à la recherche d'un gars solide. J'ai les reins solides. Que des mes boss, ils nous connaissent. Black excellence pour nous le reste, mais connaissent ça. Que des mes boss, ils nous connaissent. Black excellence pour nous le reste, mais connaissent ça. C'est toujours comme ça, et tu le sais. C'est toujours comme ça, comme ça, comme ça. C'est toujours comme ça, et tu le sais. C'est toujours comme ça, comme ça, comme ça. C'est toujours comme ça, et tu le sais. C'est toujours comme ça, comme ça, comme ça. C'est toujours comme ça, et tu le sais. L'air bleu baisse sur les photos. Pas une thune, mais ça joue le 6 gros. Qu'est-ce qu'ils foutent ensemble, il est pas bon. On va dire qu'il a géré une michto. Blabla des blabla des blabla. Ça parle pour rien. Blabla des blabla des blabla. Ça parle pour rien. Elle a l'air plus belle sur les photos. Pas une thune, mais ça joue le 6 gros. Qu'est-ce qu'ils foutent ensemble, il est pas bon. Qu'il a géré une michto. Blabla di blabla di blabla. Ça parle pour rien. Blabla di blabla di blabla. Ça parle pour rien. C'est toujours comme ça. Et tu le